Chapitre 21e, Gascario. Pendant ce temps, dans la grotte, Armand devenait infidèle. Il devait y avoir dîné, on s'en souvient, le repas eut lieu. Gascario avait fait les choses en homme qui veut se faire bonne réputation d'amphitryon. Rien n'était épargné, la chair était abondante et parfaite, les vins étaient exquis. Bianca ou la comtesse, comme on voudra, s'était arrangée en costume qui la rendait adorable. Sans trahir son incognito. Elle servait à table. Le buen retiro du chef était éclairé à giorno. Monsieur le Noël en fut ébloui. Armand paraissait tantôt sombre, tantôt animé d'une joie exubérante. Monsieur le Noël en fut frappé. « Qu'avez-vous donc ? » lui demanda-t-il à l'oreille. « J'ai... qu'aujourd'hui je sais ce que je ne savais pas hier. Et quoi donc ? Si la comtesse n'est pas venue, elle ne viendra jamais, » dit le jeune homme. « Mais il n'a point paru. Qui sait ? Ce soir, je saurai tout. » Puis, très pâle, « En conscience, monsieur, étant donné que je hais cette femme à la tuer, mais que d'autre part, Fernande court de grands dangers, suis-je coupable de feindre l'amour alors que c'est le seul moyen qui me reste de nous faire sortir de cette prison ? Non, vous n'êtes pas coupable. Alors, monsieur, je crois que nous verrons, ou plutôt que je verrai la comtesse ce soir. » Et Armand serra fébrilement la main de Monsieur le Noël. On se mit à table. Armand fit des frais et parut oublier sa tristesse. Le vin était généreux. Monsieur le Noël se mit en verve. Gascario fut éblouissant. Jamais on n'aurait cru qu'il y avait là deux prisonniers devant un geôlier. Gascario raconta des histoires désopilantes. Monsieur le Noël remarqua que son compagnon buvait beaucoup pour s'étourdir. Cependant, la comtesse ne paraissait pas. Le dîner tiré à sa fin. Gascario fit remarquer à Monsieur le Noël qu'il avait plusieurs fois déjà fermé les yeux. « J'avoue, dit le prisonnier, que je me sens la tête lourde et que j'ai sommeil. »« Vous fatiguez-t-on à la pêche, dit Gascario, puis ce vin est un peu capiteux. » Monsieur le Noël voulut se lever. « Hé hé, fit-il, j'ai les jambes d'une raideur extraordinaire et je ne sais si je pourrais marcher. »« Prenez mon bras, dit Gascario qui se levait. » Et il emmena Monsieur le Noël en disant à Armand « Je reviens, signor. » Et il ne revint point. Armand restait seul avec Bianca. Celle-ci avait fait le service en fille amoureuse, c'est-à-dire en se faisant valoir le plus possible. Elle avait, en se penchant au-dessus d'Armand, étalé à ses yeux des trésors étincelants mal cachés par le tulle qui était censé couvrir le sein. Elle avait montré un bras superbe, et en faisant voleter la jupe, elle avait découvert un mollet tentateur. Enfin, plusieurs fois, comme par mégarde, sa main avait frôlé celle d'Armand ou s'était posée sur son épaule. Point du reste n'était besoin de tant de coquetterie. Armand était extraordinairement animé. Il avait du feu dans les veines. Il s'en étonnait. « C'est singulier, murmura-t-il, cette comtesse qui ne paraît pas. J'aurais juré pourtant que ce dîner était une préparation à sa venue. » Il devina bien d'où lui venait cette ardeur dont il était dévoré. « Ils m'ont pourtant mis dans un bel état, » pensa-t-il, « ce n'est pas sans cause. » Il se sentait une irrésistible envie d'embrasser Bianca, qui lui versait du vin de la lave. Il résistait en vain. Son bras entoura la taille de la comtesse, ses lèvres cherchèrent ses lèvres. Elle fit une si légère défense qu'il passa outre et... Le buen retiro de Fulminante vit d'étranges amours. Elle avait cette nature de panthère qui mord dans un baiser. Elle brisait ce beau colosse dans ses furieuses étreintes. C'était un déchaînement sauvage de caresses féroces. On eût dit que cette passion cruelle était faite d'autant de haine que d'amour. Il s'enivra de cette folie. Quand, après de longues heures, il la quitta pour aller se jeter sur son lit dans sa chambre, il subit la réaction qui suit ses exaltations. Il songea à Fernande. « Pauvre petite, » dit-il, « s'il savait. Mais c'est pour la revoir et la sauver. » Interrogeant sa conscience, il s'affermit dans cette idée qu'il n'était pas coupable. « Je n'aime pas cette femme, » se dit-il avec assurance. « Sans ce breuvage, je n'aurais pas succombé. Mais pourquoi la comtesse n'est-elle pas venue ? Voilà la question que va me poser Monsieur le Noël en s'éveillant. » Il sourit. Vers midi, il s'éveilla. Gascario se trouvait là. « Eh, signor, » dit-il, en lui faisant présenter une tasse de café par le valet de chambre. Il paraît que nous avons eu besoin de repos. » Puis avec un rire bruyant, « Vous songerez, n'est-ce pas, à la dot de cette chère enfant et si quelque bambin vient à naître, vous serez son parrain et vous donnerez de quoi l'élever. « Je me conduirai comme il faut, capitaine, » dit Armand en se levant. « N'allez-vous pas faire comme monsieur le Noël ? Que fait-il ? Il prend un bain. » Et Cascario conduisit Armand à l'une des baies ouvertes dans la muraille. Il lui montra monsieur le Noël nageant avec la grâce d'un marsouin. Armand ôta ses vêtements et piqua une tête d'une hauteur de 30 pieds. Cascario l'admira bientôt. « Per Dio, » dit-il, « quel nageur !» Monsieur le Noël était très fort aussi. La comtesse, cependant, parut à la fenêtre, et Cascario lui montra son amant. « C'est un demi-dieu, » dit-il. « Ne semble-t-il pas être un Hercule adolescent ?» Elle le regarda longtemps en soupirant. « Oïm, » dit Cascario, « vous avez l'air chagrin. N'a-t-il pas été aimable ?»« J'ai eu le corps, » dit-elle. « Aurais-je aimé l'âme ? Je voudrais qu'il m'aimât. » « Et cela viendra. Laissez-lui le temps. D'abord, il faut qu'il apprenne la mort de sa fiancée, et il sera tout à vous. Espérons-le, » fit-elle. Comme il allait sortir du bain, elle se retira. Monsieur le Noël, en se faisant sécher au soleil, ne manqua pas de questionner Armand. « Et la comtesse ? » demanda-t-il. « Je ne l'ai pas vue, » dit Armand. « Plus d'espoir du côté des femmes. « Pardon, » dit Armand, « nous avons Bianca. Cette petite même. » Fille du capitaine, elle pourra nous aider à fuir, le tout est d'arriver à la convaincre. Essayez, dit monsieur le Noël, si vous échouez, nous penserons à mon projet. Ils rentrèrent dans la grotte où Cascario leur offrit pour les distraire de déjeuner avec Bianca en vue de la mer, ce qu'ils acceptèrent volontiers. Pendant le repas, un navire passa en vue, non loin de la fenêtre. Voici, dit Armand, une espérance qui n'est pas à 2 milles de nous. Et vous pensez, dit en souriant Cascario, que pour arriver à bord de ce navire, deux bons nageurs ne mettraient pas bien longtemps. En effet, il y a une faible brise et le bâtiment fait si peu de chemin qu'on le gagnerait certainement, mais... Mais, fit monsieur le Noël, mais s'il prenait jamais fantaisie à l'un de nos prisonniers de fuir à la nage, il serait bien attrapé, je vous assure, seigneur. Pourquoi donc ? Parce que nous avons les chiens. N'avez-vous jamais entendu aboyer dans cette direction ? Et Cascario montrait un des coins de la grotte dans l'obscurité. Nous avons, dit-il, une meute de Terre-Neuve qui a fait ses preuves. Vous dire comment ces bêtes-là nagent est inutile, vous le savez comme moi. Vous dire comment leur instinct les pousse à tirer les gens de l'eau, c'est peine perdue. Vous ne l'ignorez certes pas. Or, chaque nuit, nous établissons nos chiens sous les fenêtres et ils veillent. Si quelques prisonniers sautent à la mer, il a bientôt à ses trousses une dizaine de chiens qui font les plus violents efforts pour le sauver. Ils vont au besoin jusqu'à l'étrangler, s'il ne veut pas se laisser ramener. C'est ce qui est arrivé au capitaine américain Walkern, que nous avions capturé dans les environs de Naples et qui a essayé de nous échapper. Quelle ingratitude! On est si bien ici! Contez-nous donc cette histoire, dit Armand. En 4 mots, la voici. Cet américain, qui était propriétaire de son navire et du chargement, fut taxé à 30 000 francs par le Fulminante, et c'était peu de chose. Navire et cargaison valaient bien 100 000 francs. On était donc raisonnable. Mon Américain demande du temps, on lui en donne, et il est assez déloyal pour chercher une fausse compagnie, étant parfait nageur. Une nuit, il se lance à la mer. Madeio entend les chiens aboyer et va voir ce que c'est. Il comprend ce qui se passe. Il crie au fuyard de revenir et de laisser les chiens le ramener. Mais l'Américain se met à jouer du couteau contre la meute, qui le ramena mais en lambeaux. Je me souviendrai toujours que Thisbé, c'est une grande chienne, la mère de la meute, avait dans la gueule la main de l'homme qu'elle avait coupé au poignet. Nous avons jeté les membres de ce pauvre diable dans le volcan. Mais, dit Armand, est-ce qu'il y avait un navire en vue quand ce malheureux a fait cette tentative d'évasion insensée ? Non, qu'espérait-il donc ? J'ai pu observer que la montagne d'ici à Saint-Cloud est gardée par vous. On ne peut aborder la côte sans tomber entre vos mains. C'est vrai, mais ces Américains sont des risque-tout, des cerveaux brûlés. Armand tint un bon compte de cet avis indirect donné par Cascario. Monsieur le Noël, de son côté, en fit son profit. Ce jour-là, du reste, Cascario se mit en grand frais pour être agréable à ses hôtes. Il leur proposa de les faire sortir de la grotte les yeux bandés, et de les faire dîner en forêt. Ils acceptèrent. Le soir venu, Cascario vint prendre ses prisonniers, leur fit couvrir le visage d'un foulard. Il guida M. le Noël et Madeio guida Armand. Après être sortis de la grotte, ils marchèrent pendant un quart d'heure, puis le capitaine leur dit « Ôtez vos bandeaux !» La première chose qui frappa la vue d'Armand, ce fut Bianca, un foulard à la main. « Quoi ? » dit-il à Cascario. « Vous n'avez même pas confiance en votre fille ?»« Le secret du Fulminante, » dit Cascario, « ne doit pas dépendre d'un caprice de femme. »« La belle forêt !» s'écria Monsieur le Noël. « Vous voyez que quand j'ai affaire à des prisonniers sages comme vous l'êtes, et auxquels je m'intéresse, » dit Cascario, « je puis les amener ici. C'est une douce chose que de venir de temps à autre respirer le grand air et le parfum des arbres. Votre vue est bornée. Vous ne pouvez deviner où vous êtes. Et nous reviendrons quelquefois dresser notre table sous ces chaînes qui ont vu les banquets des bandits romains au temps de Pompée et d'Auguste. À table, voulez-vous ? » L'on prit place. Ce fut une soirée charmante, à la suite de laquelle on rentra dans la grotte. Cette fois, Armand de lui-même conduisit Bianca au Buen Ritero du Fulminante. Comme il l'avait dit à Monsieur le Noël, il voulait fuir pour sauver Fernande, et pour réussir, il fallait convaincre Bianca qu'il l'aimait. Les jours s'écoulèrent ainsi, mêlés de surprises agréables. Cascario, s'ingéniant, a trouvé des distractions pour ses hôtes et inventant des plaisirs. Enfin, la comtesse crut posséder assez déjà le cœur d'Armand pour frapper un grand coup.